madame ça yo. Yo grand système, là où est bien Jean ça yo. Yo que pour dire coupé. Bon petit petit ça nous mettant coin dans moi. Alors qui les autres qu'on attend? Tu mets ces 5 jours 7 jours. Les vidéos vont se le bouton, mais bouton taché jusqu'en bas. Coller chemise yo, red couquet gon. Alors c'est même qui met ça yo. Carmine fait ma couille en dedans caillou. Alors madame Maria dit quoi le font-ils vacances? Oh oh, mademoiselle était trop bien content. Mademoiselle est en sortie. Pour moi, il va l'acheter série pour changer toute série de porte là, dans caillou là. Mais mademoiselle, même, comprendre, je suis allé. Et c'est madame, c'est tourné dans caillou là, c'est caché dans caillou là. Caché dans caillou là. Et puis, pendant que je suis allé dedans, 10 heures du soir comme ça. Et puis t'as donc un anglais qui a parlé dans la caille là. T'as un anglais qui a parlé. Garde le comprendre. Why me? Die me? 69 me? Oh, oh, anglais. Oh, mademoiselle levé. L'élevé, regardez où est Marie qui est devant nous. Vitalement saisi. C'est comme ça, nous sommes folles. Nous comprenons comment. Et peut-être d'être capable de prendre qui sont comprenants. Oui. Nan ki porte, nan ki tout, a ki clé. Oui, voisine nan tande scandale là, voisine nan couri vini, voisine nan dit son qui est voisine, c'est docteur Miri, raconte qui sont senti, qui sont senti. Oui, mon jacquin, mon seul mot, nan ki porte, yon seul mot, kebe. Il va te penser si Marie ta kebe de la condition ça. Oui, oui, oui. Qui porte, non qui tout, à qui clé.